Et y'en a qui en souffrent. J'te mets sur le déco, maintenant tu as de quoi bouder. J'suis en business, toi t'es dans la soute. J'fais de la musique, simplement pour m'amuser. J'te comprends pas, t'as rien à dire, mais pourtant tu parles. Et si j'réussis plus que toi, ça te fait du mal. Non chérie, te mets pas dans ces états. Pourtant comme du cacou, j'te cale à même pas. J'te cale à même pas. J'te cale à même pas. J'te cale à même pas. Et pourtant comme du cacou, j'te cale à même pas. Je te cale à même pas. Je te cale à même pas. Je te cale à même pas. Pourtant comme du cacou, je te cale à même pas. Oh, j'entends déjà, mais qu'est-ce que cela raconte elle? Les vrais qui me connaissent savent que je suis modeste. Non, je ne serai pas dans la dentelle. Tu me connais pas, mais tu vas me connaître si tu me testes. Je suis imperturbable et faire du cinéma, tout le monde en est capable. Non chérie, te mets pas dans ces états. Pourtant comme du cacou, je te cale à même pas. Je te cale à même pas. Je te cale à même pas. Je te cale à même pas. Et pourtant comme du cacou, je te cale à même pas. Je te cale à même pas. Je te cale à même pas. Je te cale à même pas. Pourtant comme du cacou, je te cale à même pas. Je réponds à aucun de tes messages, pourquoi tu forces? Surtout, ne m'envoie pas ton pote. Que ce soit toi ou bien d'autres, je me pose quand je veux, t'inquiète pas chérie, j'ai la cote. Je te le dis, surtout ne me teste pas. Ton petit regard ne fera rien, ça ne marche pas. Non chérie, te mets pas dans ces états. Pourtant comme du cacou, je te cale à même pas. Je te cale à même pas. Je te cale à même pas. Je te cale à même pas. Et pourtant comme du cacou, je te cale à même pas. Je te cale à même pas. Je te cale à même pas. Je te cale à même pas. Et pourtant comme du cacou, je te cale à même pas. Même pas. Même pas. Je te cale à même pas. Et pourtant comme du cacou, je te cale à même pas. Même pas. Même pas. Je te cale à même pas. Pourtant comme du cacou, je te cale à même pas.